douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard fixé. Eh bien, bonjour. Ça marche pas. Donc nous sommes passés en 2020. Donc ce qu'on voulait faire ce matin avant toute chose, c'est 1, 2, 3. Bonne année à tous et à toutes. Donc. Voilà. Donc la dernière fois, il y avait une chanson mystère qui avait été choisie par Albin. Albin. Donc c'était du rockabilly. Mais on n'a pas de titre, on ne sait même plus qui c'était. Ah voilà. Mais bref. Oui, bah voilà, oui. Donc, ben, écoutez, on va écouter la nouvelle pour aujourd'hui. Et on la dédie à Zinedine. C'est parti. C'est moi. Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. We'll be right back. Voilà, la fameuse chanson mystère. Donc, c'est bon, vous êtes prêts? Donc, on a parlé de quoi lundi en premier? Les vacances. Ah oui, voilà. Un bref retour sur vos vacances. Alors déjà, lundi, on avait déjà pas Zinedine. Hein. Le retour des vacances, il était fort, là. Hein. Pas Zinedine. Donc les autres, ils vont faire un petit retour, là. Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances? J'ai fait des courses. Ah bah, ça c'est important, il faut manger quand même. J'ai joué aux cartes, j'allais au restaurant du cœur. J'ai joué aux cartes, j'en allais à la télé. J'ai joué à ma DS, et voilà. Ah, t'as fait plein de choses. Mais Zinedine. Nicolas, vas-y, quoi? Raconte, qu'est-ce que tu as fait, toi? J'ai fait Noël et puis Nouvel An. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Mais entre les deux, t'as fait quoi? Noël. Noël, ok. Mais après Noël, t'as fait quoi? Rien. Rien? La journée, tu faisais rien du tout? Non. T'es pas sortie, t'es restée dans ta chambre, aucun jour, sauf à Noël, Nouvel An. Si, on a fait Noël, Nouvel An. Hein. Ah oui. Malheureusement qu'il y avait Noël et Nouvel An, alors, hein? Hein? Tu t'es ennuyée autrement? Non. Non? Tu étais content de revenir? Oui. Ah, Christopher. Ah oui. Mmh, oui. Ah oui. Tu dis baby. Pour le baby, oh, bah, c'est sympa. Et Gabriel? Alors, Gabriel, il a des choses à nous raconter. Tu prends le micro devant toi, Gabriel. Un dessin, moi. Non, tout à l'heure. Alors? Je fais... Gabriel, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Piscine. Tu as été à la piscine, c'est bien. Alors, je t'ai demandé lundi, est-ce que tu as été dans le grand bassin? Non. Non? Tu as été dans le tout petit, là? Non. Où on a pied? Non. Si. Ah, le petit ou le grand bassin? Le grand. Le grand. Tu y allais avec qui? Maman et Elisa. Et Elisa. Maman, elle t'a pas porté pour aller dans le grand bassin? Non. Non. Tu veux pas y aller? Non. Non? Tu as peur? Petit piscine. Tu préfères la petite? Oui. Bon, il y a un moyen bassin à Remiremont. Oui. C'était peut-être plutôt dans le moyen. Oui. Parce que le tout petit, tu sais, sur un centimètre, tu pourrais petit. Gabriel, tu risquerais alors, hein, franchement. Hein. Alors ça, c'est bien, la piscine. Et avant, il n'y a pas seulement de ça. Mais oui, Gabriel, après. Tu as fait autre chose. Tu te rappelles les autres, là, ils disaient, oh, tu te rappelles, qu'est-ce que tu as été? Cinéma. Tu as été au cinéma et tu as été voir? Je sais pas. Jumanji. Hein, c'est ça? Un mois de moi. C'est quoi ça? Ouais. Alors, Jumanji, à la base, c'est un jeu. Ah oui, c'est que je joue... Non, c'est pas une DS, c'est une PSP. Ah oui, c'est quoi ça. C'est un jeu. Ceux qui sont en train de jouer, là, à un moment donné, ils arrivent à rentrer dans le jeu. Mais tu joues de quoi c'est? Et vivre les aventures du jeu. Oh, mon de connaissant, mon de connaissant. Zinedine, tu as raison, il est coincé dans le jeu. Ah oui, il est coincé. Qui c'est qui est coincé? Jean, son arrêté. Ah, oui. Ah, tu l'as déjà vu? Tu as été le voir, Zinedine? Oui. Où? Avec lui, ouais. À la télé? Oui. Ben là, c'était au cinéma. Hein. Je pense que tu as vu le premier, toi. Ouais. Et les autres, vous n'avez jamais vu? Non. Moi, je pense peut-être. Moi, je pense que vous avez dû le voir. Non. Chez tout. Sur une scène, peut-être. Ouais. Faire attention. Et sinon, qu'est-ce que tu as fait d'autre pendant tes vacances? Mamie. Oui. Tu as été chez mamie? Oui. Et à Noël, tu étais où? Tu ne sais plus? Non. Si, tu sais. À Noël, tu étais chez qui? Mamie. Voilà, papy, mamie, oui. Et comment dire? Et Nouvel An, tu étais où? Je sais pas. Chez toi? Tu étais chez toi, oui. Alors, est-ce que le Père Noël a été sympa avec toi? Et il s'est arrêté chez toi? Et puis alors? Plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Ah ben. Un nounou, plein de cadeaux, nounou. La nounou aussi. Et ouais, c'est bien d'avoir différents lieux, hein. Comme ça, on a plein de cadeaux, hein. What? Et tu te rappelles? C'était quoi? Voiture. Les voitures? Oui. Et puis, t'as pas eu des Lego aussi? Lego. Les Lego, t'aimes bien ça, toi, les Lego, hein? Hein, Gabriel? Oui. Oui. Et ta sœur, Lego aussi? Non. Ah, alors c'était quoi ta sœur? Poupée? Elle joue à la poupée, non, ta sœur? Elle est trop grande. Non. T'es plus mobile. T'as entendu ce qu'elle dit, Camille? Oui. Dis-lui, Camille. Playmobil. Et oui, c'était ça. Alors c'est bien parce que tu peux jouer avec ta sœur aussi. Non. Ah non. Tu sais quel âge elle a, ta sœur? Non. Non. Elle est plus petite ou plus grande que toi? Grand. Elle est plus grande. Comment? 12. Alors, Camille, elle dit elle a 12 ans. Oui. C'est pas toi qui as 12 ans? Et vous n'êtes pas jumeaux? Ah, non? Alors. Bon, c'est pas grave, on passera. Allez, Camille, on va passer à Camille. Alors, Camille, tes vacances? J'étais chez ma maman. J'étais chez ta maman, ouais. Puis alors? C'était bien. C'était bien. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant tes vacances? Je suis sortie. Camille est sortie, contrairement à certains. Eh, moi, je suis sortie. Nico! Alors, quand on sort chez Camille, qu'est-ce qu'on fait? Ah. T'es sortie où? En ville. En ville. Ah. Et tu as regardé les magasins? Oui. À pied? Ah, c'est une bonne question. C'est long. Non. À t'as pied? T'as fait des repérages pour les soldes, Camille? Canon à 30%. Non, pas des tamines. Non, mais c'est bien que tu sois sortie, oui, en ville, à pied. Tu as vu les décorations de Noël? Oui, oui. Les marchés de Noël? Non. Non. Ah, t'es pas allée au marché de Noël? Il y en a qui sont allés au marché de Noël? Non. Pas moi. Non, moi j'ai juste vu. À la Bresse, il y en a. Oui, mais je suis pas allée. Alors, toi, t'es passé devant. Ouais. Hein, voilà, en course, il passe à côté, mais il s'arrête pas. Ah, tu sais, oui, c'est pas payant, hein, le marché de Noël, Christopher, tu peux y aller. Vous voulez prendre une photo, mais non, il n'y avait pas de temps. C'est dommage. Oh, pas grave, l'année prochaine. Puis il y avait plein de bonnes choses à manger, là, à la presse. J'ai des vues, hein. Ah, tu as vu? Ah, bah alors, tu es allé quand même. Non. On ira l'année prochaine, t'inquiète pas. L'année prochaine. Bon, on en reparlera l'année prochaine. Ouais. Camille? Alors, le Père Noël? Un Monopoly. Ah, ça c'est bien. Donc alors, Monopoly, tu joues avec qui? Avec les petits. Avec les petits, ouais. Ta maman, elle joue aussi? Non? Ta sœur? C'est bien le Monopoly, hein? Vous connaissez le Monopoly? Oui, on joue, là. Bah oui, il y en a à l'IME. On n'y joue pas. Comment? On n'y joue pas à l'IME. Si, une fois, on a joué. Bah, le Monopoly, disons, il faut du temps. Parce que ça dure longtemps. Donc il faut déjà qu'on ait quelques heures d'avance. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un atelier ou une activité d'annuler pour que vous puissiez jouer à ça. Parce que sur une demi-heure, c'est un peu compliqué de jouer au Monopoly. Ouais. Oui, c'est, hein? C'est, on est d'accord là-dessus. Hein? Ouais. Voilà. Ouais. Bon, alors, on voulait aussi parler, maintenant qu'on a fait le tour pour Noël et tout, des infos avant de passer à Zinedine sur le grill. Alors, les infos. Qui veut lancer ses premières infos? Christopher, vas-y. Les incendies au Brésil, là. Non, au Brésil. Non, c'est une Corée. En Australie. Australie. Voilà. Et le feu. Oui, il y a des incendies, oui. À cause de la chaleur. Oui. À cause du vent aussi. Est-ce que vous vous rappelez un peu la chaleur qu'il fait? 48 degrés. Degrés. Oui, oui, c'est dans les eaux, là, oui, Nicolas. Ouais. Zinedine, quand c'est les autres qui parlent, on ne coupe pas la parole. Donc, oui. La forêt, elle a brûlé là-bas. Oui. Il n'y a pas que la forêt, hein. Les animaux aussi, ils meurent. Ben, oui. Les koalas. Voilà, les koalas. Et les koalas, ils vivent où? Sur les arbres. Dans la forêt. Oui, mais oui, tu as raison, dans les arbres. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Je vous en des ai parlé. Des feuilles. Oui, je des feuilles plus. De quoi? Des feuilles dormir. Oui, mais c'est des feuilles de quoi? De tisane? De tisane. Pas de la tisane. La tisane qui pousse partout. Non, des feuilles de... Cactus. D'eucalyptus, voilà. Donc, ils dorment beaucoup. comme des chats. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils dorment beaucoup. Hein. Et puis ils sont bah, dans les arbres. Hein. C'est des magnifiques bêtes, les koalas. Oh. Ah oui. Et puis bah, il y a aussi les kangourous. Les kangourous qui sont qui se sauvent dans tous les sens, qui sont c'est désorientés, qui savent plus où aller. Ouais. Oui, ils vont près des maisons. Ah oui, c'est quand c'est ça. Oui, c'est ça, ils sautent. On regarde la culée, bon le gars du son. Et puis alors, ce que j'ai vu aussi, je sais pas si vous avez vu, Régine, c'est que les mamans kangourous, elles ont tellement peur qu'elles jettent leurs petits pour aller plus vite. Elles jettent leurs petits pour aller plus vite pour sauver. C'est ça qui est triste aussi, ouais. Quoi. Devant. Ça nature. Oui. Regarde la culée, moi. Oui, tu as regardé la télé. Oui. Alors, tu as vu ça? Oui. Oui. Alors, quoi? Alors, ils ont dit que la surface qui était détruite, ça représentait à peu près six quoi? Fois la musique. Ouais. Six fois? Beaucoup non, plus que la musique. Non. Deux fois. Hein. Deux fois la musique. Deux fois, oui. Donc, c'est énorme. Quand oui, même. C'est gros, ça. Et puis, alors là, depuis lundi qu'on a préparé, est-ce que ça s'est arrêté? Non. Pas non. Non, ils en parlent toujours, ça continue. Mais encore une vague de chaleur encore en plus. Ouais, et puis il y a eu des morts. Quand ouais, 24. Quand ouais, Nicolas. Quand les maisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter le feu? Mettre de l'eau. Donc. De l'eau, oui. Et puis ah, il faut mettre de la pluie, hein, oui, qu'il fasse moins chaud, l'été. Qu'il pleuve. C'est non, c'est... Ouais, c'est parce pas que c'est l'autre côté de la terre, donc c'est l'été, c'est pour ça qu'il fait aussi chaud. Nous, ça va, il fait froid chez nous, hein. Nous. La France. C'est pas eux. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Envoyer des pompiers. On appellerait les pompiers. Ouais, les pompiers de la Bresse, on les envoie là-bas. Et hop. Ah, de la Bresse. Et hop, allez, des estradis, hop. Ah, mais les pompiers, ils sont en action, là. Tu sais, ils font que ça. Hein. Matin et soir. Et puis, ils essaient d'arrêter le feu au sol, mais comment aussi? En avion, les gars. Canadair, oui. Il a vu des crachés. Pouh, dis donc. Puis alors, est-ce qu'ils se débrouillent avec leur feu ou est-ce qu'il y en a qui leur viennent en aide? Oui, oui, des bénévoles. Des bénévoles. Oui. Mais ils viennent d'où, tous ces gens-là? Ah, Zinedine, enlève là. De tous les pays. D'où ils viennent, les gens? Oh, oui. Ah, mais des Nakusas, mon Nak. D'où est-ce qu'ils viennent, les gens aussi, qui viennent éteindre le feu? Ah, oui. De tout pays. Donc de où? Moi ça. Les morts, tu dis. Tu non, non, non, morts, non, non, non, non. De quoi alors? Vous, des crachés d'eau? Oui, les avions crachent de l'eau. Oui, oui. C'est Céline. Oui. Oh, enfin, ils crachent pas de l'eau, hein, quand même. Dedans. Bah alors, est-ce que vous savez s'il y a d'autres pays qui vont aider l'Australie? La France. La France, oui, va y aller. L'Américain. Non. L'Angleterre. Ah oui, quand. Jusqu'à la base, c'est anglais. Okay. L'Australie. Oui, la reine, elle règne. Oui. La reine d'Angleterre règne aussi sur l'Australie. Grand. Oui. C'est un gouvernement avec un oui. C'est tout ce que vous avez à dire sur l'Australie? Oui. Oui. Voilà, bah écoutez, on va souhaiter que d'ici la semaine prochaine, quand on revient, le feu soit éteint. Tain. On espère vraiment pour eux. J'aurais des feux de fond. Ah, je vous avais aussi dit qu'il fallait combien de temps pour aller en Australie en avion? 12 heures. 12 heures. 3 heures. 4 heures. 4 heures d'avion. C'est très long. C'est plus long que pour aller en Algérie. C'est tout à l'heure. Vas-y, Christopher, continue avec tes infos. Les Américains qui ont bombardé le pays, là. Vas-y, j'attends que ça te revienne. Je sais plus. Ah, tu l'as dit tout à l'heure dans le véhicule. Mais mon Dieu. Ah, Nicolas veut t'aider. Iran. Ah, merci, l'Iran. Oignon, toi. Parce que moi, j'avais entendu ça, moi. Voilà, dans les bombardements, il y a un général qui est mort. Les Nakoko. Les Nakoko. Y'a quoi? C'est quoi? C'est qui des tu? C'est qui? Bah écoute ce qu'il vient de dire, Christopher. Christopher, peux-tu répéter pour Zinedine? Les Américains ont bombardé un autre pays. Oh! Oui? C'est ça? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un sursaut de quoi là? Ah, moi des galéçons, moi j'ai un galéçon. Tu as regardé? Oui. Ah. Je pense qu'il voit plein de choses. Oui, et oui, des nanas, oui. Oui. Oh, l'Iran a lancé des missiles. Monsieur. Voilà, donc alors, les États-Unis ont bombardé l'Iran. Il y a un général. Il est mort. Il est mort. D'ailleurs, en ce moment, c'est les obsèques. Et puis, ça a revu bien là-bas. Hein, des types. Ils sont tous énervés. David. Oui, oui. Et puis alors ils ont lancé des missiles. Oui. 15 missiles, ils ont lancé. Comme. Alors, le nombre, je ne me rappelle plus, moi, mais l'Iran, oui, a envoyé des missiles sur les États-Unis. Non, sur deux bases, les États-Unis. Oui, oui, tu as raison de préciser. C'est pas sur les États-Unis direct. Un peu, c'est pas une guerre qui va se préparer. Hein. Alors, oui, toi, tu avais peur de quoi? Qu'il y a une guerre. À Kogla. Ça, ce serait grave. Hein. Oui, c'est gros, ça. C'est même pas qui gagnera entre l'Iran et les États-Unis. Hein. Oui. Et puis alors, est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi les États-Unis ils ont bombardé pour éviter une guerre, qu'ils ont dit. Qui c'est qui a dit ça? Donald Trump. Il a dit que c'était pas pour provoquer, mais pour éviter la guerre. Peut-être une autre chose. Peut-être autre chose. Tu penses à quoi, toi? C'est pas moi. Comme ça, pour s'amuser, peut-être. Non. Ah bon? Pourquoi, alors? Je sais pas. Qui c'est qui aurait une idée? Faut rien dire, on va dire qu'on est des complotistes. Des quoi? On a un complot, là. Bah, tu sais, tu as le droit de donner ton avis, Christophe. Ah. C'est sûr. Tu dis ce que tu penses, c'est non? Je sais pas pourquoi j'ai bombardé. Hein. Ah, donc toi, tu sais pas. Nicolas, est-ce que tu as une idée? Pourquoi les États-Unis ont bombardé l'Iran? Je sais pas. Ah, peut-être pour prendre leur pays, peut-être. Prendre leur pays. Oui. Mais non, ils ont déjà... Ils commencent par la racine. Hein. Commence par la racine. Mais tu as des idées, Christopher? Peut-être ils avaient des informations top secret, peut-être. Ah, ben oui. Ah oui. Oui. Et toi, Zinedine? C'est bien la façon dont tu penses l'histoire. Quoi? Là. À ton avis, pourquoi les États-Unis ont envoyé des bombes sur l'Iran? À ton avis, je sais pas. Est-ce que tu as une idée? L'argent? Ouais, des nucs. Quoi? Tu sais pas? Ah oui. À ton avis? Oui. Je sais pas. Ah oui. Ah oui, tu sais. Pouf. Tu réfléchis? Ouais. Ah. T'es quoi? Alors. On peut demander à Camille aussi, à Gabriel. Ouais, il est dardé. Et à Marion aussi. Hein. Nicolas, il sait pas. Marion, tu sais? Camille a dit non, qu'elle sait pas. C'est pas. Gabriel, tu sais? Non. Non. Bon, on va passer à un autre sujet, alors. Hein. Vas-y, Christopher. C'était tout, je crois. Oui, mais alors, les Iraniens, ils avaient dit qu'ils allaient se venger. Oui, ils ont fait. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, ils avaient dit quoi aussi? Ils vont taper... Qu'est-ce que t'as fait? Si, après, c'est vrai, ils commencent, ils tapent contre une force, ça. Non, ils ont parlé du... Du nucléaire. Nucléaire. Et puis que c'est grâce aux États-Unis. Donc ils auraient pu, ils n'auraient plus de limite dans la production. C'est nandou. En plus de nucléaire. On dit assez. Ça veut dire qu'ils rompent des accords qui ont été établis entre différents pays. Ouais, c'est à se limiter sur le nucléaire. Ah, c'était pour ça. C'était pour ça. Ouais, oui. Ils ont envoyé des missiles. Non, mais quand ils ont dit ça, c'était après les bombardements, hein. Peut-être Donald Trump, il a dû penser à ça. Hein. Ah, en étant tous, comme ça, ils pouvaient récupérer leur nucléaire. Et, hop, comme ça, hop. Ils conquérisaient leur terre, et hop, ils avaient plus de nucléaire à eux. Oui, ça peut être une raison. Quoi? Ça, c'est une piste, Christophe. Ah oui, des fois, tu y as pensé. T'as réfléchi, c'est c'est bien. Du bon trésor, comme ça. Il est mine de plus grand up. Ah d'accord. Il coupe les racines et après il conquiert. Il y a le temps. Ils font ce qu'ils veulent. Le vent. Et là, ils ont lancé des missiles sur leur base. Ouais. Peut-être on les aura à venir. Bon, allez. Après, c'était quoi? On a fini avec les États-Unis, l'Iran, là. Ouais. Après, on a dit que demain, il y avait... La grève. Alors, il y a une grève, pourquoi? Pour la réforme de retraite. Pour la réforme des retraites, voilà. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Ouais. Donc, le sujet est fou, on passe. On passe au suivant. C'était le dernier, d'ailleurs. C'est toi qui en avais parlé, encore une fois. Tu nous as parlé d'un attentat. Ah oui! Un mec qui avait tué quelqu'un, là. Attaque au couteau, je vous ai dit. Attaque au couteau, oui. Oui, et puis, voilà, il y a une personne qui est décédée. Plusieurs blessés. Oui, deux blessés. Et puis... s'est fait tuer. Ah bah oui, s'il y a un mort, oui. Et puis Il était rectalisé. Essaye d'articuler dans le micro. Il était... rectalisé. Quand tu parles plus doucement, on comprend mieux. Radicalisé. Radicalisé. Voilà. À l'islam, voilà. Pas à l'islam. Pas à l'islam radical. Voilà. Bah heureusement, Christopher avait apporté des infos, Regina. Oui. Parce que... Youpi, petits oiseaux, les autres. Hein. Youpi, les petits oiseaux. Hein. Camille, elle a pas trop regardé les infos. Hein. Ah, c'est goût cette heure. Ouais, c'est hein. Mon agolé, c'est un petit mon agolé. Ouais, mais toi, t'avais d'autres choses à faire pendant tes vacances. Donc, c'était pas trop devant la télé. Non. Mais les autres. Hein? Non. Bon. Alors, ensuite, je vous ai demandé quelles étaient vos résolutions pour 2020. Alors, Christopher. Plus acheter de bouteilles en plastique. Pas doucement. Plus acheter de bouteilles en plastique. Ne plus acheter de bouteilles en plastique. Ça, c'est bien. C'est une bonne résolution, Christopher. Et puis manger de chips aussi. Ne plus manger de chips. Voilà. Et t'oublies un truc. Et puis plus courir. Tu vas essayer de plus courir. Quand il fait beau. Hein. Alors ça, c'est bien aussi. Ouais. Hein. C'est des bonnes résolutions. Après, Nicolas, il nous avait dit... Okay. Tu as dit quoi? Que tu souhaiterais quoi? Plus de babies. Toi, tu voudrais plus de babies. Et puis, une soirée en termes de babies. Tu avais dit quoi aussi? Moi à la radio. Et après, t'as dit non. Alors, on sait pas. Alors, est-ce que tu veux aller moins à la radio? Non. Bon, Camille, elle nous avait rien dit. Et Gabriel, tu nous avais dit que tu aimerais jouer au ballon. Jouer plus au ballon. Dis-le dans le micro, Gabriel. Jouer au ballon. Et alors, Zinedine, comme tu n'étais pas là, on va te demander là. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, pour 2020? Quoi faire? Quoi faire? Oui, ben ouais. Dis. Quoi faire? Qu'est-ce que tu aimerais? Et depuis de galère qu'il est moi. Ah, plus ne plus regarder la télé. Oui. Oh, alors ça c'est bien. Ouais, les galères qu'il est. Tu as trop regardé la télé. Ouais, les gérines. T'es plus galère que lui. Donc rappelez-vous bien ce que Zinedine vient de dire. Ne plus regarder la télé. Ne plus regarder la télé. La télé. Ouais. Oh là là. Ça va être difficile à tenir, Zinedine. Il n'y aura jamais Zinedine. Il est bon, moi, il est au ballon. Alors. Tu préfères jouer au ballon? Oui. C'est bien, hein. T'es une idée. Mais il faudrait peut-être t'inscrire à un club de foot, Zinedine. Hein. Comme Nicolas. Hein? Bois. Bah oui. Affronter Nicolas en match de foot. Il y en a, Gérard. Mais oui. Et je pense que si tu faisais partie d'un club et tout ça, je pense qu'on peut avoir un petit champion en herbe. Hein. Parce que Zinedine, en sport, tu es bon. Ouais. Donc c'est sûr que ce serait mieux que de regarder la télé, hein, que de faire du sport. Le nouveau Zinedine Zidane. Ah bon, ça, je sais pas, hein, mais... Hein? Ouais. Ça te plairait. Ouais. Alors ça, je retiens, moi. Je vais le noter dans un petit coin. Appeler à maman. Il a couru. Ah, Zinedine. Oui. Ouais. Dans les projets pour 2020. Oui. Ce serait bien pour toi. T'aimes bien le sport au collège? Ouais. Qu'on fait une handball. Ouais. Là, c'est fini l'handball. C'est vrai. Ah bah. Au collège, Zinedine, il adore ça. Moi aussi, j'adore. Hein. Et puis, ouais. Il est bon, hein. Ah oui. Il observe beaucoup, et puis après, il assimile les règles et tout. Ah oui. Sur le terrain. Corinne. Il est tout le temps, il nous fait vivre aussi en même temps, mais je veux dire qu'il est bon. Niveau sport, il tient la cadence, le rythme. Ah oui. Moi aussi, j'adore Corinne. On parlait de cinéma. Mais oui, Christophe. Oui, c'est avec lui en sport. Un peu jaloux, toi. Oui, je on sais. On t'oublie pas, Christophe. C'est bien aussi sport, mon collègue. Je sais que tu aimes le sport aussi. Voilà, donc les résolutions, ça a été vite fait. Hein. Voilà. Et Camille, qu'est-ce que tu aimerais alors pour 2020? Mettre du rouge à lèvres. Du maquillage, du mascara. Mais tu n'en sais rien, c'est elle qui parle. Mascara. Tu sais pas, Camille? Il y a des trucs que tu aimerais, là, que tu n'avais pas, ou que tu voudrais plus faire? Non. Les questions. Qu'est-ce que tu fais pour tout ça? Oh. C'est à toi qu'on parlait, hein. T'es pas à Zinedine encore. Ah oui. Qu'avait dit des questions. Je sais pas. Eh ben, avant de parler à Zinedine, on va passer la chanson de Camille. Tu te rappelles, c'était qui? Anita Ward. C'est ça? Un. Deux. Trois. Eh ben, allez, on écoute. Thank you. les questions. Voilà, c'était la chanson de Camille. Tu es contente, Camille? Oui. Enfin, tu as fait danser les copains. Non. Les autres, ils ont ri. voilà, bon. Merci, Camille. Voilà. Ouais. Merci pour ton choix. Oui. Allez, les questions. Alors. Maman. Attendez. La deuxième partie, Zinedine. Ça va aller, Zinedine. La deuxième, s'il vous plaît, la deuxième partie, elle est consacrée à Zinedine. Parce que, comme nous l'avions dit avant les vacances de Noël, Zinedine se préparait à un voyage. Est-ce qu'on se rappelle en technique, là, qu'on avait parlé de Zinedine, qui se préparait à partir? C'est aller en Algérie. Bien, Mario. Bien, Christopher, ils ont retenu, tu vois. Donc, voilà, tu te préparais à partir en vacances. Ouais. Alors déjà la question, parce que avant de te demander tout plein de choses, est-ce que tu es vraiment parti? Oui. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire où tu es parti? Pas à Paris, non. Si à Paris, non. Christopher, c'est Zinedine, où es-tu parti en vacances? Non, j'aimerais que tu te redresses. C'était où le pays où tu étais? Dans quel pays tu es parti? C'était pas l'Algérie. Que? C'était en Algérie que tu étais. Ouais. Donc enlève les mains de devant ta main. Ouais. Voilà. Et puis, ouais, c'est un petit village où tu étais. Oui. Alors comment il s'appelle? Tu sais pas? Non. Tu t'es laissé porter, tu vois, là-bas, hein? Tu t'es pas intéressé où tu allais? Alors, Zinedine, il est parti. Le petit village s'appelait Chlef. Chlef. Oh. Ça t'étonne? Non. C'est un village qui s'appelle Chlef. Alors, le petit village de Chlef, il se situe entre Oran et Alger. D'accord. C'est au nord-ouest de l'Algérie. Voilà. Et c'est tout près de la mer. Bon, est-ce que tu te rappelles au moins, Zinedine? Non. De ton voyage? Ouais. Ouais, alors on va pouvoir commencer les questions. Non. Tiens, on va laisser à Régine poser sa première question. Alors, tu as pris l'avion? Oui. Oui. À Mulhouse? Oui, non. À Paris? Non. Non. À Strasbourg? Non. Où ça? Non. À Metz? Ah bon? J'étais jusqu'à Metz pour prendre l'avion. D'accord. Et puis tu as atterri à Alger? Oui. Oui? Oui. Et de l'aéroport à Chlef, comment t'as été? T'as pris quoi? Un bus? Une voiture. C'était quoi? Une voiture ou un bus? Une voiture. Ah oui, c'est mon sang. Oh, ouais. Oui, t'as mangé, oui, on a compris. Oh, il est beau. Attends, on continue. On reste concentré. Régine, c'est bon. Allez, Camille. As-tu aimé ton voyage? Oui. Oui. Vas-y, Christopher. Je veux pas. Alors, Christopher. As-tu pécé? Tu parles dans le micro. As-tu pécé? Ouais. Oui? Ouais. Tu as pêché quel poisson? Omar. Petit poisson, petit. Des petits poissons. Ouais, t'as la puissance. Mais est-ce que tu les as mangés? Non. Des. Ah, tu les as jetés? Oui. Quoi? Nicolas, tiens, vas-y. Et tu as fait... En montagne. Es-tu allé en montagne? Ouais. Oh, c'est mort, ça. C'était dur. Ouais. C'était dur d'aller à la montagne? Ouais. Oh, bon, je trouve ça super parce qu'en plus, il y a des super paysages en Algérie. Oui. Hein. Tu es content, alors? Ouais. Est-ce que la montagne, elle était comme ici, avec plein d'arbres, tout ça? Non. Ou alors, c'était cailloux, sable? Non. Non, quoi? C'était comme ici? Non. Ah. Et la terre est rouge? La terre. La terre de la montagne. Alors. Non. Elle était grise. Elle est un peu comme ça. Ouais. Oui. Alors tu as été marcher dans la montagne avec tes sacs à dos. Non. Non. Ah non. Alors ah oui, parce qu'on avait parlé d'autre chose, mais on en parlera tout à l'heure. Ensuite, allez-y, vas-y, Christopher. C'est quoi, déjà ? As-tu fait un match de foot ? Ah oui ! C'est non, moi, c'est non, moi, de gagner. Ah, t'as pas gagné. Ouais, c'est oui, moi. Oui. Alors, avec si. Zinedine, avec qui tu as joué au foot ? Ouais, garçon. Avec des garçons ? Ouais. Ouais. C'est nous, garçons, ça. Les cousins ? Oh, non. Non. C'est nous, garçons, ça. Les garçons du village. Ouais, c'est nous, ça. Bien, c'est bien. Au moins, attends, moi j'ai une question. Là où tu étais en vacances, dans le village, est-ce qu'il y avait une télé ? Non. Super, moi je dis. Au moins, t'as profité. Ouais. Hein, t'es pas devant la télé. Ça, c'est bien. Vas-y, Camille. Quelles sont tes spécialités pour manger ? Donc, est-ce que tu as compris la question ? Ah oui, oui. Oui, alors. C'est où des fées, des moussons ? Des figues ? Non. Des quoi ? Oui, des fées, des moussons. Gougous ? Couscous ? Ouais, des moutons. Des moutons ? Des moutons ? Non. Ah. Du des moutons. Quoi ? Du pain ? Ouais. Oh, c'est pas la spécialité, le pain. Non. C'est quoi la spécialité ? Du poulet. Yeah. En Algérie, on mange quoi ? Du couscous. Coucou. Du poulet. Oui, et quoi ? La dinde. La dinde. Et du mouton. Saucisse. Non, des poulets, des passions. Ouh, c'est gros, ça. Est-ce qu'il y a des tagines, oui, comme... C'est ce que j'ai demandé, oui, spécial. Non. Je ne sais pas si c'est algérien ou marocain ou tunisien. Bah, au Maroc, il y a beaucoup, oui, de tagines. Après, algérien, oui. Je ne sais pas, l'Algérie. C'est pas ça. C'est pas ça. Des poulets, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est ça pour les moutons. Des moutons. Enlève la main. C'est ça, des moutons. Tu as mangé ça ? Oui, mais on sait pas, c'est quoi, ça ? Des poulets, c'est des grands chiens. Du poulet ? Ouais. Ah, il y avait du poulet. Ah, ouais. Elle a raison, hein. Ouais. Du poulet. Et beaucoup de légumes ? Ouais. Oui. Nicolas, qu'est-ce que tu dis ? J'avais raison qu'il mangeait mais du poulet. Hein. Ah oui. Tu pars pas courir ? Ouais, attends, des sacs de poulet, c'est toi. Oui, il y avait pas de dinde. Quoi, c'est... Il y a de la dinde. Non. Il y a du mouton aussi. Ouais. Ouais. Tu as bien mangé ? Ouais. Ah oui. C'est bien. Du thé ? Oh. Du thé à la menthe. Ah, oh, nana, un peu ça. Oui. Des nappes de thé, moi, nana, un peu ça. Non. T'aimes pas le thé ? Du thé à la menthe ? Ouais. Alors, tu buvais quoi, toi ? Parce qu'il n'y avait pas de coca. Quoi ? J'en suis sûre. C'était de l'eau ? Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de coca ? Non. De dessin. C'est la vie, coca. Donc, tu as bien mangé. Ouais. Là-dessus, tu n'as pas manqué. Non. Ensuite, la prochaine question. Vas-y, Nicolas. As-tu visité... non. As-tu vu des dauphins ? Alors déjà, les dauphins, ils sont où ? On est nerveux, quoi. Quoi ? Tu sais ce que c'est, un dauphin ? Non, non. Ah. Ah bah, vas-y. J'ai ce que c'est, moi, un dauphin ? Vas-y, explique-lui. Un dauphin, c'est gris, hein. Ah, oui, dauphin. Mais ça dit pas ce que c'est. Pouh ! Ouais, mort. Oui, c'est ce qu'il y a dans la mer. C'est ça, comment ? Ça saute. C'est joli quand ça saute. Alors, est-ce que c'est un petit poisson, enfin, non, c'est un gros. C'est un gros poisson. C'est un cétacé, mais on appelle ça un cétacé. Hein. C'est un gros poisson. Voilà. De... Oui. Ah, il n'est oui, pas ça, les cons. Il y a quoi, un gros poisson. Oui, il a un petit truc qui pique. Les ailerons. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu vois comment c'est un dauphin ? C'est un peu comme un grand... Bec. Bec, là. C'est sa bouche. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Ouais. Puis c'est... Ouh, ça saute. Non, ça ne dit rien. Et si ? Si. Alors, est-ce que tu en as vu ? Ah ouais. En vacances. Ouais. Oui. Oui. Alors, tu les as vus où ? Parce que tu as été en bateau. Regarde, tu vois, c'est ça. Ah oh, oui, c'est ça. Tu en as vu? Ouais. Moi, c'est un A. Tu en as vu un? Oui. Alors, il était en pleine mer, comme ça? Ou alors, tu l'as vu dans un zoo? Ou alors, comment c'était? Où? Où est-ce que tu l'as vu? Il était où? C'est loin. Il était où? Oui, c'est une crevasse. Il est loin, j'ai... Il était loin? Ouais. Oui, mais est-ce que tu en as vu un, là-bas? Ah oui. Oui? Ouais. Au zoo? Ouais. Ou alors, tu as été... en mer, ouais. Sur un bateau. Ouais. En mer. Ouais. Est-ce que tu es allé sur un bateau? Oui. Oh. Eh ben. Bien, bien, bien. Alors, ben, allez-y, continuez. Merci pour les images, ça aide. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Oui, c'est beau, c'est très beau les dauphins, oui. Ah, oui, tu l'as. Vas-y, Nicolas. Oh. As-tu vu? As-tu Ali? Ali? Ah, alors, Nicolas, il se demandait s'il y avait un lit, ouais. Ou s'il dormait à même le sol. Oui, des lits. Oui, il y a des lits. Ouf. Nicolas. Vas-y, Camille. Comment c'était l'avion? As-tu eu peur? Non. Au collège, il m'avait dit lundi. Alors, Zinedine, il faut être honnête là. Moi, j'ai eu ta maman. Oh, c'était quand même pas oui. Alors, raconte vraiment. Parce que tu sais, ici, je sais même pas s'il y en a un déjà qui a pris l'avion. Si, peut-être Gabriel, je crois, qui avait pris l'avion. Mais les autres, il n'y en a aucun qui a pris l'avion. Donc, ce serait bien que tu leur dises comment c'était, Zinedine. Ouais. Il ne faut pas mentir. Ouais. Alors, est-ce que l'avion, il était gros ou alors... Comme ça, gros? Bah oui. Oui, il faut quand même dire ce que c'est impressionnant quand même, non? Ouais. T'as un très gros avion. Ouais. Voilà, bon. Attends, reprends tes esprits, là. Et puis alors, quand tu es allé à l'avion, quand tu as vu le truc, là, dans lequel tu allais monter, est-ce que tu étais content? Tu étais rassuré ou alors... Pas trop rassuré. Si. Si. Si. Tu étais... Tout va bien, la vie est belle. Oui. Oui. Oui. Bon, tu as mis ta ceinture. Ouais. On va passer à l'étape suivante. Voilà. Ouais, alors, ouh, l'avion, il décolle. Ouais. Zinedine, est-ce que tu t'es accroché à ton siège ou alors est-ce que tu étais détendu? Détendu. L'avion décolle. Non, mais accroché avec tes mains. Ouh. Ah oui, ouais. Est-ce que... Oui, voilà. Ouais. Ah oui, des fous. J'ai... Est-ce que tu avais peur? C'est bien. On a un petit peu peur. Est-ce que tu as fermé les yeux? Ouais. Ah oui. Zinedine, il fermait les yeux dans l'avion. Il avait peur quand il voyait les nuages et tout ça, les collages. Mais, non, mais je te comprends, Zinedine. Ouais. C'est impressionnant de prendre l'avion. Ouais. Et alors, au retour, quand tu es revenu, toi, tu as décollé d'Alger. Est-ce que là, ça allait mieux? Ah ouais. C'était l'habitude. Est-ce que tu as mangé dans l'avion? Ouais. Oh. Voilà, beau, donc ça. Le passage de l'avion est passé. Ah, allez, une autre question. Je peux la barrer, celle-là, du coup? Ah bah, ça Corinne y est. Corinne vient de la poser. Ouais, vient de je peux la barrer. Vas-y. Est-ce qu'il y avait des belles filles? Non, alors je l'ai dit. Non! Qu'est-ce que c'est de répondre? Non! Non, Buffy! Des belles gazelles, qui dit Christophe. C'est quand même des belles filles. Alors, Zinedine, y avait-il des belles filles? Non! Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Des quoi? Parce que des belles filles, il y en a partout. Il y a plus de filles, moi! T'as pas vu de belles filles, toi? Mais il y en a beau, filles! Il y en a pas? Non, il y en a un peu sur moi. C'est non, ah, tu n'en as pas besoin. Oui. Tu n'as pas besoin. Il n'en a pas besoin. Non. Oui. Voilà. Attends, Toi, tu en aurais peut-être besoin. Ouais, j'en ai déjà une, c'est bon, hein. T'en as une, toi? Non. Yacha. Zinedine, est-ce que tu as déjà une copine? Non. Non. C'est sûr. Et là-bas, tu les as pas regardées? Non. Zinedine, est-ce que tu avais des cousines là-bas? Ouais. Oui. Oui. Cousin aussi. Christopher, arrête. Laisse-le parler. Okay. Donc tu as des cousines? Ouais. Des cousins? Ouais. Des tontons? Ouais. Tata? Ouais. Il y avait beaucoup de monde? Oui. Bah, c'est bien. Hein. Il y avait des garçons ou des filles qui avaient ton âge? Non. Comme toi à peu près? Non. Plus petit? Personne. Comment dire, ceux avec qui tu jouais au foot, ils étaient de ton âge? Ouais. Ouais, les gens. Ah bah, il y en avait de ton âge alors. Ah oui. Ouais. Vas-y, Camille, va. Avait-il du soleil? Ah oui, ça c'est important. Du soleil. Oui. Il faisait froid quand même? Tu as mis un manteau? Non. Non. Tu étais habillée comment, Zinedine? Non, mais est-ce que tu avais, par exemple, un short? Ouais. Manche courte. Oh. Ouais. Tu as un t-shirt manche courte? Ouais. Oh, Pérou, ça. Hein, donc t'avais pas froid. Non. Attends, tu dis dans l'utilisateur. Ça, c'est bien. Allez-y. Vas-y, Christophe. Mais là, quatrième, s'il te plaît. Christophe. Ah, es-tu allé à Metz? À la mosquée. À la mosquée, hein. C'est alors, Zinedine, voilà. Quand je lui ai parlé des questions, il ne savait déjà pas ce que c'était que la mosquée, Zinedine. Alors, je lui ai dit, bah, c'est comme en France, l'église, quoi. C'est là où on va prier. Alors, est-ce que tu peux répondre à la question de Christopher? Non. Ah, demain, j'ai cru qu'il était allé. C'est coup de feu, moi. Coup de feu. Pour prier, je tu vas Ah bon, ne crie pas, Christophe. Je vais pas à l'église, moi. Respecte sa réponse. Tu peux le dire tranquillement. C'est pas l'église, moi. Vas-y, Camille. Aimerais-tu retourner? Non. Aimerais-tu y retourner? Non. Alors, bah là, il faut que tu donnes une raison. Hein. Pourquoi tu ne voudrais pas y retourner? Oui, là. Une fois, c'est tout? Oui. Oh, non. Oui. T'as de la famille là-bas. Oh. Alors, tu vas certainement y retourner. Non. Tu préfères vivre à Gérardmer? Oui. Ah, ça, c'est une bonne question. Tu préfères vivre à Gérardmer ou tu aimerais vivre en Algérie? Tu préfères où? Voilà. Gérardmer? Oui. Gérardmer. Oh. Quoi? Ben, c'est bien. Ouais, du coup. Hein. Tu as fait une belle expérience. Oui. Bon, on termine par une question vite fait, là. Es-tu monté sur un âne? Je dis vite fait parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est ma question? Oui, bah ben, oui. Allez, vas-y. Es-tu monté sur un âne? Ouais. Ah, je trouvais ça excellent. Mmh. Bon. Alors, tu as été où avec ton âne? Du tout. Dans la montagne? Oh, ouais. Alors, est-ce qu'il écoutait bien? Puis j'aime bien. Oui. Il écoutait bien? Oui. Il s'arrêtait pas des fois? Puis Non. Non. Non. Et puis, qui c'est qui avait demandé? Et puis monté sur. Un chameau. Un chameau. Machin. Un chameau. Ah, oui. J'ai deux ponts. Il y a deux. Des bosses? Ouais. Bien, c'est bien. Ouais, ça. Bravo. Tu as vécu plein de choses, Nadine. Ouais. Hein. Une dernière, la dernière. Nicolas, vas-y. Quoi, je suis déjà à la 5. Alors, c'est quoi? Es-tu... Non. La 6, Corinne. La 6. Bah, vas-y. Ah, c'est... As-tu vu un film dans l'avion? Oui. Vas-y. Quoi? As-tu vu un film dans l'avion? Non. Non. Il n'y a pas de film dans les avions, normalement. Bon, c'est quand c'est des longues distances. Ça dépend des avions. Ouais. Que là, à 2 heures. Et du trajet, ouais. Un petit dessin animé à la place, c'est un peu mieux. Poté. Ah, bien, attendez, on a loupé la, La question de Gabriel, ah, il y en avait qu'une, alors... Gabriel. Gabriel, allez, attends. C'est toi qui vas te clôturer. Tu reprends ça après. Gabriel, on en est à ta question. Pose ta question à Zinedine. Oui. Gabriel. C'était quoi ta question, Gabriel? Tu t'en souviens? Non. Tu répètes, alors, es-tu allé à la mer? Demande à Zinedine. À la mer? Oui. Tu es allé à la mer? Il s'est baigné. Ok. Au bord ou dans? Dedans. Donc, Schleff, c'est sur la mer? Ouais. Oui, c'est au bord de la mer. C'est au bord de la mer. Mais fais-moi. Oh, oh. C'est sur la grande route entre Oran et Alger. Là. Ouais. Eh bien, écoute, Zinedine, il va falloir clôturer. Mais j'espère vivement que tu vas nous rapporter des photos. Parce qu'on aimerait des photos de ton séjour. Des photos? Oui, des photos. Oui, non, j'ai plus de photos, moi. T'as plus de photos, oui, mais ta maman, elle a dû prendre des photos. Ouais. Voilà. Eh bien, tu diras à ta maman qu'on aimerait voir l'album de vacances. C'est, oui, dis allô, toi. Qui? Toi, allô. Ah, il faut qu'il appelle maman. Appelez. Je passe allô à maman. Quand oui. Tu demanderas. Voilà, eh bien, je le ferai, Zinedine. Ne ouais. Manquerai pas. Eh bien, écoutez, on n'a pas pu... Non, non, assieds-toi. On n'a pas pu poser toutes les questions. Mais fou. On va saluer tous les auditeurs. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Et la semaine prochaine, on reçoit Marie. Marie. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je voudrais te demander quelque chose. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis, baby.